simplement moteur du temps. Temps imparti trop vite à temps. Les pièges fixent, le vice aussi. Assiste à ça, ça ou autre chose dit-il. Qu'est-ce que ça fera? Compréhensible parfois, délier les langues, ouais. Mais pourquoi faire si c'est pour perdre l'élan en justifiant misère? La vie n'est pas un jeu, mais le mal y joue tout de même. L'homme accepte ses règles et révise, y met du sens afin de gagner la partie. Mais partie perdue d'avance, puisque l'âme ne flotte une fois pervertie, puis s'en échappe l'essence sur un douloureux silence. Ce qui fait qu'on lutte à mort avant de partir, mourir d'une vie amère, amère et sans agrumes. Consommer du rêve, payer tant de passe au cauchemar, vivre de nuit, fuir le soleil là, posé au milieu du cercle vicieux, visé à l'essieu d'une démence anxieuse. Et combien se plantent, souvent combien le minimum net, puis grandir mini-hommes pour crever minimum. Moi malheureux puisqu'on est stone, chardon à la manche des manches, mais ne s'enlève comme la naïveté que l'on adopte devant les maîtres du monde trop faible. On acquiesce pour devenir élève, élever la voix ne sert sans les mots justes. Et justement c'est juste là qu'on se plante, personne n'avance en connaissance. Et je ne parle d'institutions gangrénées à la moelle, sa fausse histoire décrite ne fait qu'assouplir leurs fantasmes. Élargir leurs grosses fesses, hein, poser en haut de leurs pyramides, nourrissant nos cris à l'aide. Ils sont satisfaits de leur tyrannie, j'admets que leurs plans sont balèzes, mais toute minutie vite fait, l'avidité balaye. J'sais pas si on m'entend en retour, rien je n'attends, hormis peut-être le respect pour l'être d'Arcan. J'vois bien tous ces logos, toutes ces chaînes, tous ces ragots, propagés par des mecs la rage aux lèvres esclaves du billet, deviennent à chaque coup émissaires de Lucifer. Et si tu ne crois en la lumière, au moins crois en l'homme, ne suis pas son ombre. Et sache que le nombre est fruit du chiffre, chiffrer le monde est inutile, et laisse apparaître le prévisible. Ne jamais découper l'âge, profiter de l'âge pour rester môme, le dire aux tiens, démystifier leur trône. J'sais bien, j'me répète, certains s'plairont à dire que j'fais du mal au style, qu'à chaque fois c'est le même titre. Aucune réponse pour ces pauvres types.